fait que les gens fassent le lien entre la politique intérieure de l'Europe, on le dit, pas vraiment complexe. Je crois qu'on peut pas ensemble. Donc idéologiquement, c'est comme ça qu'on présente les choses. Il y a de fortes chances que cela, ça rentre au moins autant que toutes les sortes d'idéologies. À nouveau, qui en prennent pas d'autres. Non, là, c'est pas une chose. Ah oui. Sans doute, l'erreur, une grande partie de l'erreur de l'analyse vient au fait, effectivement, que nous, le Parti communiste, sans discernement, dit que l'analyse de la politique intérieure comme étant une émanation directe de la construction européenne. Et il y a beaucoup de facteurs qui sont de la politique intérieure qui ne sont pas. Ne sont pas directement déduits ou impliqués par la politique. Là, par exemple, les stratégies, les types de solutions, les actions pseudo, rien à voir avec l'Europe. C'est un peu problème. Alors qu'il y ait des choses effectivement qui soient liées à l'Europe, c'est certain. En même temps, c'est parce que le parti veut appuyer sur le fait que la politique monétariste, en général, effectivement, est liée étroitement, donc aussi. Étroitement liée à la construction. Et que, en fait, à partir du moment où l'Europe est appelée la politique monétaire, la politique économique, c'est vrai que c'est le cadre dans lequel les économies se prennent sont fixés par la construction européenne, par la perspective de la monnaie unique. Mais à l'intérieur de ce cadre, cette visée de la monnaie unique, il y a quand même des tas de décisions qui ne sont pas directement des. Thank you. Oui, bah, l'union, le problème, bah, c'est pas l'union, donc, si c'est pour simplement trouver la base politique à droite, oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'il faut tout faire par l'union. Encore une fois, je vois pas comment ça s'articule. Je ne sais pas de façon précise comment ça s'articule, une stratégie qui est un peu de capitalisme qui est réactualisée. Je ne sais pas comment, par l'union avec les autres groupes, avec les autres groupes. De toute manière, soyons sérieux. Tant que il n'y a pas que les partis oubliés ne prennent pas la décision, la compagnie de retard. Sérieuse. Avec une définition, on a un programme. L'objectif commun, etc. Très difficile à mettre en place. C'est l'objectif des partis. Ça permet l'Europe. Et là. L'Europe va se faire. Elle se fera comme là, parce que c'est si cette Europe ne se fait pas, de toute manière, les puissances européennes sont obligées. Dans des pays tout moyen. Ouais. Maintenant, la seule force de gauche capable de changer quelque chose au niveau. Une alliance avec qui? Sur quelle base? On se croit que le siège est là. Tu n'y parles pas justement de la conférence de effectivement permettre aux gens de penser que le Parti communiste, du fait qu'il est associé à d'autres partis dans d'autres pays, peut représenter une force capable de combattre les capitalistes en Europe. Parce qu'on n'arrête pas de leur dire aux gens, et à nous aussi, que de toute manière, c'est des petits coups de déclaration. En Europe, c'est les multinationales qui font ça. C'est les marchés qui font ça. Donc, si les forces progressistes ne s'organisent pas à la même échelle que les forces de marché, jamais les gens pourront penser qu'ils sont capables de faire quoi que ce soit. Parce que la bande d'origine, vous faites ça, mais de toute manière, voilà, on va forcer à les patrons embaucher, on va augmenter la réponse, on va mettre en d'ailleurs. mais c'est pas alors possible. Donc finalement, au fond, dans ces cas-là, proposer une politique de contrainte envers les sociétés, les gens disent on va faire ça, les patrons vont se barrer, on va pas partir dans le monde. À ce moment-là, la France, la force européenne commence à être beaucoup plus suffisante, parce que déjà au niveau européen, on peut déjà imposer, par exemple, l'interdiction aux délocalisations. Par exemple, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire au niveau national, puisque dans ces cas-là, la Commission de Bruxelles dit « Ah là là, non, c'est pas normal, concurrence, etc. » Mais si les forces de progrès arrivent à tenir la Commission, etc., c'est eux qui décident. Et si au niveau européen, on décide qu'on peut plus délocaliser, sinon, on va des avoirs des entreprises, on va délocaliser. Enfin, européanisme, par exemple. On européanise. Vous pouvez délocaliser, bah non, vous n'avez plus rien. Ça peut passer au niveau de l'État national, puisque là, on a la Commission de Bruxelles et en tant que institution européenne qui, de toute manière, joue. De toute manière, ça va plus de force. On se dirait, même au niveau européen, au niveau des syndicats. Tu vois, si déjà, au niveau des mouvements ouvriers, les gens pensaient qu'effectivement, commence à avoir une communauté, qu'il y a une communication entre une certaine solidarité entre les travailleurs d'Europe et les syndicats d'Europe. Déjà, parce qu'il faut bien voir que la concurrence, maintenant, elle joue un terrain de l'Europe. Les gens, par exemple, qui sont irlandais, ils peuvent demander ce qu'il y a en Alsace pour les étudiants, parce que les irlandais, ils peuvent travailler pour plus cher. Donc, c'est ça, il faut absolument reconstruire, au moins pour une organisation transnationale. Tant que le parti en France ne propose pas l'articulation d'une action nationale et d'une action européenne pour contrer les forces capitalistes européennes, alors nous ne serons pas directement, sans passer par les États. C'est là-dessus que si on avait une stratégie, voilà, c'est à ce niveau-là qu'il faut faire quelque chose. Mais bon, on peut tout à fait la nature. Mais enfin, c'est déjà un truc du moins dans les programmes précédents. Ouais, développer les contacts avec les développeurs, favoriser la unité syndicale en Europe. Et toi, ça, on devrait plus en parler. Le problème, c'est que l'analyse qu'on fait avec les gens politiques sont des questions qui sont alimentées, qui sont un peu politiciennes. C'est-à-dire strictement limité au jeu des forces, même si effectivement ils ont des forces de progrès et puis ils vont à la base, sur la base justement de la discussion de la rencontre, de la discussion de la mise en voie de la bonne conscience que vous avez. Au sein du Congrès, il y a quand même tout à l'heure question de politique, non? Donc, on parle uniquement de la première phase, de la prochaine année. Oui, en fait, il n'y a pas de discussion pour voir si forcément le parti de l'Union n'est pas de l'Union. Là, visiblement, oui. En tout ce qui est. Non, c'est-à-dire que là, au niveau du c'est totalement faux. Voilà, dans les questions de cuisine, on peut faire l'identité communiste ou l'identité du...